Higo, c'est la guerre, gros. Faut mouiller les maillots, Higo, c'est la guerre, gros. Faut suer pour le Zéo. Genre t'as encaissé, mais ça c'était le passé. Fais pas l'ancien, on sait que t'es dépassé. Maintenant sur le rein, c'est moi qui a le brassard. T'es dans le placard, tu portes même les dossards. Higo, c'est la guerre, gros. Et j'ai pas le temps, Higo, c'est la guerre, gros. J'suis en plein dedans. Ma coloche, coloche, t'as la lumière. Le corps, tu n'as plus l'envie. Ma coloche, coloche, t'as la lumière. Le corps, tu n'as plus l'envie. Mais... ils sont grave à chaise, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. Ils sont pas dangereux, pas d'honneur, bâtard, t'es pas méchant. On va grave manger, s'allonger tout en levant le majeur. Ils sont grave à chaise, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. À mouiller le maillot émaillé, désormais. On va mouiller le maillot. À désormais. Mouiller le maillot. Désormais. Mouiller le maillot. Désormais. À mouiller le maillot. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Désormais. On va mouiller le maillot. Désormais. Mouiller le maillot. À désormais. À mouiller le maillot. Désormais. À mouiller le maillot. On dirait du terre. Terre. J'ai les pieds dedans. On dirait du terre. Terre. Gros, c'est évident, gros, c'est évident, mais on est là toujours everyday. Faut que dans la couche de mon bébé, nous on est vraiment des bindres. Gros, c'est dur, on a trop cédé. Les miens s'y mettent, dans les coins sombres, nous on procède. On la vend, comme un Mexicain. Et ça m'excite, la bibite de mon lexique. Ils sont grave à chaise, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. Ils sont pas dangereux, pas d'honneur, bâtard, t'es pas méchant. On va grave manger, s'allonger tout en levant le majeur. Ils sont grave à chaise, grave en chien, bâtard, t'es pas méchant. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. À mouiller le maillot émaillé. Désormais, on va mouiller le maillot. À désormais, mouiller le maillot. Désormais, mouiller le maillot. Désormais, à mouiller le maillot. On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé, désormais, on va mouiller le maillot, désormais, mouiller le maillot, à désormais, à mouiller le maillot, désormais, à mouiller le maillot. Yeah. Christopher à la prod. Ouais, c'est bon. Bingy, bois qu'à guitare. Yeah. C'est important. Ah, yo-yo, rentre dans la piste. Rocata yo-yo, maman de yo-yo, écoute yo-yo, Rocata yo-yo, piton de yo-yo, Rocata pongo de yo-yo, yo-yo, yo-yo, c'est bon, Rocata yo-yo, ouais, c'est bon. Ah, yo-yo, t'as dead sound ensemble, ouais, c'est bon.